Eta ez du gordetzen bere kolore politikoa, LR etiketarekin aurkezten da Fabrice Sébastien Bach, pasatu bosetan egin emaitza txarrak izan badire ere. Moi je représente en effet les républicains, la droite et le centre également, et c'est vraiment avec toute ma conviction que je reste fidèle à ce parti. La droite doit continuer d'exister. Baina ez da, segitzaile simplea izanen bere alderdiarekiko, distantzia hartzeko aukera ere ikusten du. On ne peut pas défendre une action politique qui serait, ou une idéologie politique qui serait valable dans le nord de la France, ou dans le sud-est, mais par contre qui sera totalement différente chez nous. Je n'accepterai pas ce qui ne sera pas en faveur et que je veux défendre sur le territoire. Bere lan hildo nagusietan, etxe bizitzarena, berriki elkargoak hartu Airbnb-en kontrako konpentsazio legea, ez badu begionez ikusten, bizitegi sozialena Arloan aldiz baditu neurriak. Vous avez 70% bizitegi sozialen 170 lurraldetik kanpo direnei zuzenduak dira legearen arabera lehentasuna dute gu eta gure aurren aintzinean pasatzen dira eta hori ez da onargarria niretzat. Gure baliabideak dira, gure lurrak denek pagatzen ditugu tokiko zergak eta kanpotiarrek baliatzen dute. Et ça c'est au législateur de faire changer la loi. Ekonomia eta industria bultzatu, erosmena ala indartu, balio gehiago eman osasunak loko lanbideei, amak neugiren inguruan egingo du kanpaina Fabrice Sébastien Bachek, azken galdera egin jogu euskararen erakaskuntzaz. Aujourd'hui, je pense que le basque, il faut l'inclure dès la maternelle. C'est faut que ça devienne notre deuxième langue maternelle. Si c'est anticonstitutionnel, faut modifier la constitution. Atxeteren gaian aldiz, bordale eta akizaren arteko linearen alde agertu da hautagaia. Akizetik goiti eta muga arteko ibilbideaz, ez da hain konbentzitua, oraindik ikerketak egin beharko direla adierazi du.